الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي سبب الفرج بعد الشدة والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام جاء بتوجيهات العظيمة وإرشاداته السديدة ليهذب النفوس ولتكميل مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مالك في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن من هذه الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي دعا إليها الإسلام معرفة قدر كبار السن واحترامهم بمراعاة حقوقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا الناس منازلهم، رواه مسلم. هذا موضوع مهم عظمه ديننا، فلا بد من ذكره والتفقه فيه. وأول الطريق التعلم، فمن جهل حقهم كيف يؤديه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبارنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. تأملوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل بحقوق الكبار، فمن علم أهمية حقهم دخل ذلك في قلبه، عظمه وقام بحقهم. أما من لم يعرف حقهم فليس منا، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فإكرام كبار السن عمل يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وينال به الأجور العظيمة. وعند البيهقي في الشعب قال: قال آنس بن مالك رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أجل من ذي شيبة المسلم والعالم تكن رفيقي في الجنة، فبمعرفة حقوق كبار السن وأدائها تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كبر وضعف المرء كلما وجب الاهتمام به، وكلما عظمت الأجور. والجزاء من جنس العمل، فمن حفظ حقوق كبار السن قيده الله سبحانه وتعالى في كبره من يهتم به ويحافظ عليه. قال يحيى بن سعيد المدني: بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يقيض الله عز وجل من يهينه في كبره وهذا الحق يكبر فيما إذا انضم إليه حق الوالدين أو الجار أو غيرهما. وعلى كل، الواجب على المسلم الإحسان إلى المسن ومعرفة حقه. كبار السن خيار الناس إذا استقاموا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا ترى على وجوههم النور وكثرة الذكر، وعلى ألسنتهم كثرة الذكر وملازمة المسجد في الصفوف الأول. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. الحديث. وعند الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع المسن تعليما تطبيقيا. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها، ودخل المسجد، فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى أبا بكر أبا قحافة عثمان، قال: هل أن تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيته فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، وحق أن يمشي إليك. الحديث. حتى أسلم أبو قحافة رضي الله عنه وقد ذهب بصره وكان كبيرا في السن جدا. فأي أثر يكون هذه الكلمة في قلبه تفتح القلوب على الإسلام. فهكذا يدعو، وهكذا يدعو من أسلم أبويه الشيخين الكبيرين غير المسلمين باحترامهم وإظهار محاسن الإسلام. قصة أخرى يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع كبار السن. جاء عبد الرحمن بن سهل ومحيصه وحويصه ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ترك غيرك أكبر منك يتكلم وهو أحدث القوم أي أصغرهم. فسكت. متفق عليه. فمن الآداب أن تقدم كبير السن يتكلم في المجلس. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أمرني أن أكبر. صححه العلامة الألباني. ولا شك أن حق الناس بهذا الحق، أن أحق الناس بهذا الاحترام والتقدير والإجلال هما الوالدان. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا الأدب مع الوالدين. وإن من المؤسف أن ترى بعض الشباب لا يقدرون لذي شيبة المسلم قدرا ولا يعرفون لحقوقهم شيئا وربما استهزأوا بهم لضعفهم. هؤلاء ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يصلح من أنفسهم وأن يرجعوا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المثلى. وكان أحد السلف درام سنا قال: هذا خير مني، هذا خير مني، لأنه تقدم علي بسنوات بالصيام والصلاة والصدقات وأعمال البر. فهكذا كانوا يجلون الكبار. ومن صور أداء هذه الحقوق توقيرهم أو توقيرهم واحترامهم، ثانيا إكرامهم بالكلمة الطيبة، وحسن الصحبة ثالثا تبتدئه بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير إذا لقيت شيخا كبيرا بادره بالسلام رابعا تخاطب بألين العبارات تخاطب بألين العبارات مثل يا عم يا عمي وهكذا بما يحب خامسا أن يقدم في المجلس في الكلام تترك يتكلم أولا ولو عرض علي الكلام قل إن فينا إن معنا فلانا وأكبر منا فتفضل مثل هذا وهكذا في الطعام وهكذا في الشرب في الشرب وفي الدخول حتى في المشي حتى في المشي عن مالك بن مغول أو مغول قال كنت أمشي مع طلحة ابن مصرف فسرنا إلى مضيق فتقدم أو فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك أي ما رضيت أن أمشي أمامك وأنت أكبر مني وتكون ورائي سادسا أن تراعي وضعه الصحي والبدني هذا يعينك على الصبر معه وفهم بعض تصرفاته سابعا الدعاء له تدعو لكبار السن بالصحة والعافية وإطالة العمر على التوحيد وعلى سنة وهكذا تسأل الله لهم حسن الخاتمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفهم وأن يطيل عمرهم على الخير وأن يختم لهم على خير الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا أما بعد Sachez, chers frères, que l'islam, cette religion parfaite, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous est venue avec les meilleurs conseils, avec l'orientation au meilleur caractère et au noble comportement, afin de purifier nos âmes, nos paroles et nos actions, afin de compléter nos nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « J'ai été envoyé pour parachever les nobles comportements, les nobles caractères. » Et parmi les comportements qu'elle appelle l'islam, parmi les comportements auxquels l'islam a accordé la plus grande importance, le fait de respecter les personnes âgées, le fait de s'acquitter de nos devoirs envers les personnes âgées. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé à chacun son droit. Et le droit le plus immense est le droit d'Allah azza wa jal, qui n'est autre que l'adorer d'un culte sincère, seul sans associé. Puis le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire en lui et le suivre, lui obéir, s'éloigner de sa désobéissance, et veiller à n'adorer qu'Allah subhanahu, et cela qu'à la manière dont nous l'a enseigné. Puis le droit des parents, le droit des compagnons, et parmi les plus grands droits qui ont été préservés et dictés dans l'islam, le droit des personnes âgées. Le droit des personnes âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Accordez à chacun sa place. Accordez à chacun sa valeur. » Regardez donc ici avec moi la place que l'islam a accordée aux personnes âgées. Et le début de ce chemin consiste à apprendre la valeur des personnes âgées et à écouter les textes qui ont été cités dans l'islam afin de voir combien elles ont été considérées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui n'a pas de pitié envers les petits, celui qui n'a pas de pitié envers les enfants et qui ne reconnaît pas le droit de nos personnes âgées ne fait pas partie de nous. Celui qui ne reconnaît pas le droit des personnes âgées ne fait pas partie de nous. » C'est-à-dire qu'il n'est pas sur la voie de l'islam, la voie avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a des défauts dans son comportement. Il a des défauts dans sa foi. Il a des défauts dans son islam. Car il n'a pas copié dans ce comportement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc étudiez l'importance de ce droit et la considération que vous devez accorder aux personnes âgées dans notre religion. Et concernant celui qui est ignorant, comment est-ce qu'il pourrait s'acquitter de ses droits, ou bien plutôt de ses devoirs envers les personnes âgées, et suivre le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, fait partie du respect d'Allah le fait d'accorder de l'importance à la personne âgée parmi les musulmans. Fait partie du respect d'Allah, de la considération d'Allah, de l'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de respecter les personnes âgées et le fait de respecter celui qui a appris le Coran et qui est dans le juste milieu et le fait de respecter celui qui est au pouvoir parmi ceux qui sont dans le juste milieu. Regardez ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi les chemins qui nous mènent à l'agrément d'Allah, qui nous permettent de nous rapprocher de notre Seigneur dans ce bas monde et d'obtenir de grandes récompenses dans l'au-delà, le fait de respecter les personnes âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Anas radiallahu anhu, accorde la plus grande importance aux personnes âgées et respecte les savants, tu seras avec moi au paradis. Subhanallah. Regardez l'importance qu'a accordé l'islam aux personnes âgées. Puis, comparez ce sur quoi sont les autres voies dans le comportement envers les personnes âgées. Ceux qui font des hospices, ceux qui font des maisons de retraite et délaissent leurs parents et abandonnent leurs parents après que ces derniers les aient élevés depuis leur plus jeune âge. Après que cette mère se soit fatiguée à l'allaiter, avant cela l'enfanter, à l'éduquer, et il n'a pas trouvé autre chose pour, à titre de reconnaissance, que de l'abandonner dans une maison de retraite. Quelle est donc cette reconnaissance? Par contre, dans l'islam, on nous enseigne que parmi les causes d'entrer au paradis, d'avoir la plus grande place au paradis, d'être même avec la meilleure des créatures au paradis, le fait de respecter et d'accorder la plus grande importance à la personne qui est âgée. Donc en étudiant le droit des personnes âgées, tu auras emprunté un chemin qui mène vers le paradis. Et sache que si tu te comportes de la meilleure manière avec les personnes âgées, lorsque tu atteindras un âge avancé, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera des gens pieux parmi la jeunesse musulmane qui prendra soin de toi, car la rétribution accordée aux serviteurs est en fonction de son comportement. Yahya ibn Sa'id al-Madani nous montre que le contraire est également valable, en nous disant, il nous est parvenu que celui qui humilie les personnes âgées ne mourra pas, si ce n'est après qu'Allah lui ait destiné une personne qui viendra l'humilier lui-même à son tour. Si tu te comportes mal envers les personnes âgées, il te sera fait la même chose lorsque tu auras atteint un âge avancé. Donc ce qui incombe à l'ensemble des musulmans, c'est d'accorder une grande place aux personnes âgées et d'avoir un bon comportement envers eux. La personne qui a atteint un âge avancé et qui est dotée de piété, qui suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez les jeunes que ce sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui a atteint un âge avancé, la personne qui a observé le chemin de la droiture jusqu'à avoir atteint un âge avancé, c'est la meilleure personne dans la communauté musulmane. C'est pour cela que tu vois son visage rayonnant. C'est pour cela que tu les vois toujours au premier rang, toujours tenant le Coran, en faisant du dhikr, de l'istighfar, du tasbih, du takbir, et à peupler les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les premiers à entrer à la mosquée, les premiers à aider à la mosquée, les derniers à sortir de la mosquée, et j'en passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la bénédiction est avec les grands. La bénédiction et avec vos grands et parmi les grands dans l'âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par sa mise en pratique comment se comporter envers les personnes âgées. Lors de l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée. Abu Bakr radiallahu anhu lui est donc venu accompagné de son père qui avait atteint un âge tellement avancé qu'il avait perdu la vue. Le père d'Abu Bakr n'était pas encore musulman. Abu Bakr est donc venu avec son père pour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit « Oh Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas laissé cette personne âgée chez elle afin que moi je me déplace vers lui ?» Ya Abu Bakr, il ne fallait pas se faire déplacer la personne âgée. Il ne fallait pas que ton père se déplace vers moi, mais c'était à moi de me déplacer vers lui. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le comportement envers les personnes âgées. Que pensez-vous de l'effet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur du père de Abu Bakr, alors qu'il n'était pas encore musulman? Cela afin d'enseigner aux gens comment se comporter envers les personnes âgées, même les non-musulmans. Alors, le Abu Bakr lui a répondu non au messager d'Allah. Il est plus à même de marcher vers toi. Jusqu'à ce que Abu Quhafa, Uthman, c'est-à-dire le père de Abu Bakr radiallahu anhu, s'est converti à l'islam. Donc nous devons avoir un comportement exemplaire envers les personnes âgées, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, car l'islam appelle à la bienfaisance envers l'ensemble des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé qu'à titre de miséricorde envers l'ensemble des mondes. Plusieurs personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait un jeune homme qui a commencé à parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Et lui a dit « Kabbir, kabbir !» C'est-à-dire « Fais passer les personnes qui sont plus vieilles que toi. Laisse parler celles qui sont plus âgées que toi. » Et au jour d'aujourd'hui, tu vois dans les assises, les plus jeunes prendre la parole et couper la parole des personnes âgées. Où tu vois l'enfant devancer son père dans la parole, ou ses oncles, même son grand-père, ou bien ne pas accorder d'importance à la vie des personnes âgées. Tout cela n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous informe même que Jibril alayhi salam lui est venu de la part de son Seigneur pour lui dire « Ô Mohammed !» il nous dit « Jibril alayhi salam m'a ordonné de faire devancer les personnes âgées. » Et il n'y a aucun doute que les plus à même à recevoir cette bienfaisance et ces droits sont nos parents. Sont nos parents, ceux qui ont atteint un âge avancé. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran qu'il a décrété qu'on n'adore que lui et la bienfaisance envers les parents. Lui, puis il nous dit, si l'un d'entre eux ou les deux atteignent un âge avancé, ne leur dis pas ouf et ne les réprimande pas, mais prononce avec eux des paroles douces. Et abaisse l'aile de l'humilité envers eux. Sois humble envers eux. Et sois miséricordieux envers eux. Et invoque Allah envers eux, car ils t'ont éduqué lorsque tu étais petit. Voici le comportement qu'elle nous appelle l'islam. Et parmi les choses qui attristent les cœurs et qui font couler les larmes, le fait de voir certaines personnes parmi les jeunes musulmans oser élever la voix sur des personnes âgées. Oser lever la main sur des personnes âgées. Oser répondre à leurs parents, oser manquer de respect aux personnes âgées. Sache, cher frère, que si tu n'as pas un bon comportement envers tes parents, ou si tu ne respectes pas les personnes âgées, tu n'es pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas en conformité avec la tradition prophétique, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus mauvais comportements, qui n'ont aucune place dans l'islam, et que les musulmans ou que certaines personnes musulmanes ont copié chez les non-musulmans, le fait de mettre leurs parents, après que ces derniers les aient élevés du premier jour, après que son père ait fait dua pour lui avant même sa venue, après que sa mère l'ait tant attendu, après qu'elle l'ait allaité, qu'elle l'ait enfanté, qu'elle ait souffert pour le mettre au monde, certaines mères sont même décédées de l'accouchement, tu trouves que ces enfants ingrats prennent leurs parents pour les jeter dans des maisons de retraite. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Quel regard penses-tu qu'Allah Azza wa Jal aura sur toi? Allah t'a ordonné la bienfaisance envers tes parents, tu n'as pas trouvé autre chose que de les prendre après qu'ils aient atteint un âge avancé pour les jeter dans une maison de retraite. Où des étrangers viendront s'en occuper. Voici la personne qui a un cœur plus dur que la pierre. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les droits des personnes âgées. Il y a parmi cela le respect. Il y a parmi cela la considération. Il y a parmi cela le fait d'être généreux envers eux, de les honorer, que ce soit avec de bonnes paroles, une bonne compagnie ou des pensées pour eux. Troisièmement, le fait de les saluer en premier lorsque tu les rencontres. Si tu croises une personne âgée, c'est à toi de le devancer dans le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et que le plus jeune salue le plus vieux. Voici un des comportements qu'il y a dans l'islam. Quatrièmement, le fait de lui parler avec les paroles les plus douces, émanant ou bien témoignant d'une grande considération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs ahadiths, on voit qu'il disait Ya Am, ou bien que les compagnons disaient aux personnes âgées Ya Am, ils appelaient les personnes âgées Ô mon oncle. Donc, ce genre de parole est une bonne chose dans l'islam, ou toute parole qui fera plaisir à la personne âgée. Le fait, cinquièmement, le fait de les faire devancer dans l'assise. Lorsque tu rentres avec un groupe et qu'il y a des personnes âgées, fais-les devancer dans Mada, accorde-leur la meilleure place. Aussi, laisse-les parler en premier, comme nous avons vu. Laisse-les manger en premier, boire en premier. Et même lorsque tu marches avec une personne âgée, ne la devance pas, si ce n'est pour une sagesse. Un des pieux prédécesseurs, lorsqu'il marchait avec son père, dans la journée, il marchait derrière lui. Et lorsqu'il marchait avec lui dans la nuit, il marchait devant lui. Pourquoi cela? Dans la journée, au grand jour, lorsque tout le monde le voyait, il marchait derrière son père. Pour montrer le comportement à avoir avec ses parents et avec les personnes âgées. Et lorsque c'était la nuit, il marchait devant lui. Pourquoi? Pour défendre son père au cas où il y aurait une bête féroce ou autre chose qui pourrait nuire à son père ou à la personne âgée. Un des pieux prédécesseurs nous dit qu'il marchait avec Talha. Ensuite, ils sont arrivés à un endroit où ils ne pouvaient pas passer ensemble. Celui-ci l'a devancé. Puis à la fin, il lui a dit, « Si j'avais su que tu étais né avant moi, ne serait-ce que d'un jour, je n'aurais jamais osé marcher devant toi. Si j'avais su que tu étais né un jour avant moi, je n'aurais jamais osé marcher devant toi. » Sixièmement, le fait de prendre en considération l'âge avancé de la personne âgée, sa maladie et ainsi de suite. Certaines personnes ne patientent pas sur les personnes âgées car elles ne prennent pas cela en considération. Septièmement et dernièrement, on citera ici le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de leur pardonner leurs péchés. Le fait de demander à Allah de les guider, d'allonger leur vie sur la droiture, sur la piété. Une des choses les plus importantes, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une bonne fin, une belle mort sur l'islam et sur la ilaha illallah. Et sachez, chers frères, que tous ceux qui mettent en pratique ces nobles caractères, qu'ils reçoivent, qu'ils auront la récompense qui nous a été citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi ceux que j'aime le plus, et ceux qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, ceux qui ont le meilleur comportement. Tu veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit proche de toi yawm al-qiyamah, ait un bon comportement envers les personnes âgées. Et on demande à Allah azza wa jal de leur accorder une longue vie sur la piété et sur l'islam, et de leur accorder la meilleure fin sur la ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه وهكذا عن سائر إخواننا المسلمين في كل مكان وأصلح سريا ومصر وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.